J'aime rire, j'aime boire et chanter. J'aime la vie, l'automne, l'été. Mais j'aime aussi pleurer, ça fait du bien de pleurer. Ça donne comme une espèce de liberté. D'ailleurs, c'est ce que font les enfants en sortant du ventre de leur mère. D'ailleurs, c'est ce que font les enfants pour respirer. Prends